De football scolaire, la saison va commencer très très bientôt. Question de savoir davantage comment ça va se passer avec l'équipe de Chipougamo du Barrette Chapin. On en parle avec, encore une fois cette année, on va en parler avec Serge Bouchard. Salut Serge! Serge, comment ça va maintenant dans les équipes cette année? C'est sûr qu'on est en début de saison, donc comment ça va? Pas pour l'instant, là, on est en préparation pour l'équipe cadette. On a deux pratiques de fait. C'est sûr que c'est un prolongement, si je dirais, de la saison, ben pas de la saison, mais des Jamboree Benjamin du printemps. Donc, on savait à peu près combien de joueurs on allait avoir et tout ça. Puis, ça va quand même bien, mais en même temps, c'est des jeunes. Donc, faut travailler beaucoup technique et de développement. Donc, ça avance pas vite là, au niveau des stratégies. OK. Donc, comment t'as d'équipe? Comment t'as de joueurs, c'est-à-dire? Ça tourne autour de 34 joueurs là, pour secondaire 2. OK. C'est quand même pas mal pareil. Oui, je suis vraiment content. Je suis vraiment content pour notre grosseur d'école. Parce que la catégorie cadet, c'est secondaire 1, 2, 3. Nous, depuis quelques années, on réussit à prendre juste secondaire 2, 3 puis faire de la tôme avec le secondaire 1. Donc, je suis vraiment content d'avoir ce nombre-là là, pour du cadet là, secondaire 2-3. Okay. Donc, c'est sûr que secondaire 2, c'est la base, hein? C'est la base même. Hein? Oh, oui, c'est vraiment la base. On travaille beaucoup technique. Nous, ici, notre philosophie, c'est vraiment du développement. Hein? On ne s'attend à rien au niveau du classement, dans le sens qu'on va y aller comme ça va. On va faire jouer tout le monde à chaque match. Puis comme je dis à chaque année, dans notre petit bassin, faut tellement faire attention à ça, parce que si les jeunes ne jouent pas, ben ils ne pourront pas se réinscrire l'année d'après. Donc je peux pas faire de sélection, je garde tout le monde, puis on fait jouer tout le monde, je dirais pas à tour de rôle, c'est toujours une question de sécurité aussi sur le terrain, mais on sent qu'il est en sécurité, puis que lui il sent qu'il est en sécurité, puis qu'il sait qu'est-ce qu'il a à faire sur un terrain. Ben, on l'embarque, puis le résultat à la fin, le pointage final, ben, ça donne ce que ça donne. C'est sûr que là, cette année, on n'a pas de juvénile par la force des choses, parce qu'il n'y a pas de juvénile dans la région, là. Mais moi, je vise l'an prochain, si la région n'est pas en mesure d'offrir du juvénile, ben, avec cette gang-là, là, on va aller dans la Ligue de Québec là, pour. Okay. Donc, tu n'es pas en mesure de dire quel genre d'équipe que tu vas avoir cette année, hein? Ben, je me dis, je vais avoir une équipe, j'ai pas de joueurs dominants, au niveau des joueurs de ligne, on n'est pas très gros, donc je me dis que je vais finir, là, maintenant, dans les six équipes, là, selon moi, j'ai valu entre la position 4, 5 ou 6 là, dans notre division, puis c'est correct comme ça, à vouloir faire jouer juste les meilleurs, on pourrait peut-être finir troisième, deuxième, mais au bout du compte, l'année d'après, il va m'en rester 20 au lieu de 34. Donc, si je veux que le football continue, il faut que je fasse attention à ce genre de choses. Okay. Donc, au niveau cadet maintenant, il va y avoir une 6 équipes cette année? Oui, 6 équipes dans une division, puis une autre division à 3 équipes. Parce que dans la division à 3 équipes, c'est des équipes qui commencent ou qui sont vraiment en grosse reconstruction. Donc, on ne voulait pas les mélanger avec les 6 autres équipes qui, je dirais, là, sont quand même assez stables, qui ont du football année après année. Puis, ça va permettre à ces 3 petites équipes-là de pouvoir se développer, puis à un moment donné, espérer là, qu'ils deviennent des équipes stables aussi. Là, puis. OK. Est-ce que, donc, il y a des équipes à Chipougamo, j'imagine, au Saguenay aussi? Une à Chipougamo, une à Saint-Félicien, une à Dolbeau. Okay. Une à Alma. Hein. Après ça, il y en a une à Charles Gravel. Ensuite, pour la 6e équipe, j'essaie de m'appeler là, comme ça. Je sais que dans l'autre 10 à 3 équipes, il y a Robert Val, okay. Il y a Poly Jonquière, puis École secondaire Kenugami. Ah, OK. Mais on n'a pas voulu faire de ligue juvénile parce que l'année passée, ça avait fini en queue de poisson. C'est un peu la même affaire, hein? Ben, c'est que là, au niveau du sport étudiant, là, ben, au niveau du football, juvénile, il y a des grandes disparités. Là, c'est-à-dire qu'il y a des programmes qui ont des programmes de concentration football. Il y en a d'autres qui ont ils font juste en parascolaire. Puis à un moment donné, ben c'est des jeunes de 15, 16, 17 ans, puis ça devient là que c'est un peu inégal dans le calibre. Là, les équipes, ben ils veulent avoir un plus. Les équipes là veulent avoir un plus gros calibre parce que quand ils jouent régional, les gens disent ben là, on se fait frapper, on se fait faire mal, ça n'a pas de bon sens. Fait que ces équipes-là vont jouer à l'extérieur dans la région du Québec. Puis, ben, malheureusement, la tendance est maintenant, moi, en tout cas, c'est mon avis personnel, c'est que quand tu es gros, tu veux devenir encore plus gros, donc tu vas pour des autres. On voit, exemple, à Saint-Félicien, qui voulait pouvoir rivaliser avec les autres. Ils sont rendus aussi en division 2, dans la même division que les Lynx d'Alma puis les Mustangs de Chicoutimi dans la Ligue de Québec. Ben, ils sont allés chercher les joueurs à Dolbeau. Ils sont allés en charger, je crois, deux ou trois Robert Rall, mais beaucoup plus à Dolbeau. Donc, ça fait en sorte que ça devient des équipes beaucoup trop puissantes pour jouer au niveau régional. OK, OK. Si on parlait maintenant, sens-tu quand même qu'il y a eu un creux de vague, du football, mais tu sens-tu que c'est maintenant derrière toi, là, derrière vous, c'est-à-dire? Ben, je dirais que on pourrait dire que la tempête s'est calmée, si on peut le dire. Je suis pas convaincu que c'est terminé parce que même au niveau cadet, quand on se dit, ben, on pourrait penser à 9 équipes cadets cet automne dans la région. À un moment donné, on va avoir du juvénile régional, mais je vois pas comment parce que les équipes maintenant, ils s'en vont jouer dans la Ligue de Québec. Ça fait que, puis exemple, il y a une équipe cadet à Dolbeau, il y a une équipe cadette à Robertval, mais c'est pour fournir l'équipe juvénile à Saint-Félicien. Okay. Ça fait que t'as 3 équipes cadettes qui vont fournir une équipe juvénile à Saint-Félicien, donc automatiquement, mes Saint-Félicien vont les jouer dans la Ligue de Québec. Fait que moi, ce que je peux voir peut-être, puis c'est pas vraiment ce qui va arriver, c'est qu'ici, il y a du juvénile, ça va être du juvénile division 2, donc ça va être Saint-Félicien, Alma, les Mustangs, qui vont accueillir une ou deux équipes de Québec dans la région. Mais il n'y aura pas de football régional là, proprement dit, où ce sont que des équipes de la région. C'est ce que je vois prochain dans deux. Ah ben ça c'est quoi, puis toute l'histoire des commotions cérébrales, à quelque part ça l'a amené quand même, ça l'a amené vraiment là une, comment dirais-je, une, pas une par... ça l'a amené une mauvaise publicité au football là. Oh oui, ça faisait partie de la tempête là, d'un élément de tempête, c'est sûr que ça n'a pas amené une bonne publicité, puis c'est correct aussi, ça a permis de restabiliser les choses, de faire attention, d'améliorer les règlements, de mettre plus d'accent sur la sécurité, mais en même temps, il n'y en arrive pas tant que ça, des commotions cérébrales, là, je pourrais dire que il n'y arrive plus de fractures, si on peut le dire, même si on n'arrive pas énormément d'une saison. Mais c'est comme ça, ça prend juste des fois un cas ou deux là, qui est médiatisé, puis après ça, ben c'est parti. Mmh, effectivement. Serge, la saison commence quand? Nous, on commence le 27 septembre contre Charles Gravel à Chicago. OK, donc on va se reparler à ce moment-là. Voilà, donc c'est l'instructeur-chef des Faucons Barrettes de Chicoutimi, Serge Bouchard.